impossible d'être comme toi. Pas possible d'être comme ça. Et pas possible. Impossible d'être comme toi, pas possible d'être comme ça. Oh, c'est pas possible d'être comme ça. C'est pas possible d'être là. C'est pas possible d'être comme toi. Pas possible d'être là.